Alors, en deuxième partie, le sujet, c'est l'identité, la fausse identité. Quand on parle d'évolution, de développement, le mot identité revient souvent et on semble voir que l'équilibre de l'individu, sa force, il semble attirer de l'identité. On voit dans la société beaucoup de gens qui réalisent des travaux, des œuvres importantes. Et est-ce que ces gens qui ont un charisme, un potentiel extraordinaire, semble-t-il, du moins quand on les regarde, est-ce que ces gens-là ont ou disposent d'une grande identité? Est-ce qu'on pourrait dire un gars comme Bush, le président des États-Unis, que c'est un personnage qui a beaucoup d'identité? Les hommes dans le monde qui construisent, comme vous dites, ont une identité psychologique. Quand je parle d'identité de l'homme, quand je parle de l'identité au niveau de l'évolution, je parle d'une identité psychique. Et la différence entre les deux est très importante. L'identité psychologique, elle est basée sur le karma de l'homme. Un être humain, par exemple, qui naît dans une bonne famille, qui est dévoué à une bonne éducation, qui a des parents intelligents, qui va à l'université, à qui on donne les outils, c'est plus facile pour lui de se développer une identité psychologique dans le monde. Par contre, un individu pourrait naître dans une très bonne famille, ou pourrait naître dans une famille très difficile, puis en arriver un jour, à cause de son statut évolutif, au niveau de l'âme, à développer une identité psychique, autrement dit, passer à travers toutes les difficultés qu'une mauvaise incarnation, techniquement, pourrait lui imposer. Mm-hmm. Simplement comme initiation pour la transmutation de son âme, puis en arriver un jour à une identité intégrale. Donc, il ne bénéficierait pas nécessairement d'une identité psychologique. Il ne serait pas nécessairement un grand constructeur dans le monde, mais il pourrait être un grand constructeur dans un autre monde, qui bénéficierait à ce monde-ci. Donc, l'identité psychique, c'est le résultat de l'évolution de l'âme par rapport à la pénétration de l'esprit pour souder avec l'ego, créer avec l'ego un axe. L'identité psychique ne peut pas être donnée à l'homme à partir de la société. L'identité psychologique, par contre, est donnée à l'homme par rapport à la société. Est-ce que c'est ça la mesure? C'est la différence fondamentale entre les deux. Souvent, par exemple, on va dire, on regarde les gens de la rue, les gens qui sont réellement là, démunis, les gens qui vivent dans les rues, dans les ruelles, les street people qu'on appelle. Là. Mm-hmm. Puis, souvent, on regarde ces gens-là, puis on a de la sympathie pour eux autres, on a de la compassion. Puis on regarde leur passé, puis on voit que l'individu a eu des parents difficiles, ou il y a eu des parents qui ne l'aimaient pas, ou ainsi de suite. Il y a eu beaucoup d'obstacles. Donc, il n'a pas pu développer d'identité psychologique. Si cet individu-là avait été une âme évoluée, il aurait pu passer par-dessus ça, intégrer toute cette énergie-là, et en arriver à développer une identité psychique. Là, vous allez me demander, mais un homme qui a une identité psychique, a-t-il essentiellement une identité psychologique? La réponse est oui. Par contre, quand on a une identité psychique, notre énergie ne peut plus être utilisée dans le même contexte qu'elle pourrait l'être si nous avions simplement une identité psychologique. Par exemple, si quelqu'un venait me voir et me disait, bon ben Bernard, Montréal, c'est un homme intéressant, papa, on aimerait que tu travailles pour notre parti politique, que tu rentres dans le parti politique du pays ou de la province. Bon, à cause de, si je possédais simplement une identité psychologique, étant protégé d'une bonne éducation, et je pourrais dire, ouais, ça m'intéresserait, ça allait en politique, je pourrais faire des choses intéressantes, papa. Mais parce que j'ai une identité psychique qui précède en importance mon identité psychologique, je serais obligé de regarder ce que ça ferait d'un personnage comme le mien dans un corps politique. Qu'est-ce que ça ferait? Est-ce que ce serait ça souhaitable? Est-ce que ce serait utile? Est-ce que ce serait possible? Puis à ce moment-là, je serais obligé de tirer des conclusions négatives par rapport à cette activité-là qui pourrait être, d'un point de vue créatif, extrêmement intéressant. Alors, à ce moment-là, si je veux être impliqué dans la politique, à ce moment-là, je vais le faire par personnage interposé. OK. Une personne, donc, la façon que vous parlez, l'identité psychologique, est-ce que c'est de la personnalité forte en réalité? Est-ce que ça ressemble? La personnalité psychologique, c'est de la personnalité l'identité qui est forte. L'identité psychologique, c'est une identité qui est basée sur la prédominance des voiles de l'ego. Autrement dit, un être humain peut bénéficier des voiles égoïques dans le sens qu'il peut bénéficier de son astral. Un individu qui a une forte identité psychologique va bénéficier de son caractère astral. Donc, ce n'est pas la transparence qui va ressortir de son ego, ça va être l'opacité, plus ou moins utile à son développement personnel ou plus ou moins utile au développement de la société. Exemple, un mafiosi, par exemple, peut avoir une identité psychologique très forte. Okay? Mais c'est à cause des voiles égoïques, ce qui va bénéficier ou ne pas bénéficier à la société, ou bénéficier ou ne pas bénéficier à l'individu. Tandis que quand on parle d'une identité psychique, on parle de transparence égoïque. D'ailleurs, c'est ce qui la permet, c'est ce qui lui donne naissance, parce que pour avoir une identité psychique, il faut absolument, un jour ou l'autre, avoir un certain niveau de sensibilité à l'activité créative des forces de la lumière chez l'homme. Que cette perception soit télépathique, directe dans le mental, ou que cette perception se fasse au niveau du plexus solaire, qu'elle se fasse par un des centres psychiques de l'homme, c'est sans importance. Mais que l'homme soit conscient de l'activité des plans invisibles à travers sa vie, qu'il en soit conscient au niveau des signes, qu'il en soit conscient au niveau des signatures dans l'action, dans tout le mouvement subtil des événements dans la vie, ça nécessite ceci pour qu'il ait une identité psychique. Tu ne peux pas avoir une identité psychique si tu n'es pas concerné, conscient, quelque peu, avec la réalité objective des plans. Naturellement, plus l'homme sera conscient des plans, plus l'homme aura une relation télépathique mentale objective avec les plans, pour même en arriver un jour à pouvoir voir à travers ses yeux éthériques les plans, autrement dit les entités extraordinaires qui évoluent dans ces mondes-là. Ça fait partie de l'évolution de l'homme, ça fait partie de l'évolution cosmique de l'homme. Mais vous ne pouvez pas avoir une identité psychique sans être conscient à un niveau quelconque des plans. Sinon, vous avez une identité psychologique qui peut être très utile à l'évolution de l'homme, qui fait partie de l'évolution de l'humanité, qui peut faire de vous un grand être, dans le sens positif du terme, ou un grand être, dans le sens négatif du terme. On peut dire que Saddam Hussein a une identité psychologique négative. Une identité psychologique négative, ça fait partie de son karma, ça fait partie du karma de la nation, ça fait partie même du karma de la planète, ainsi de suite. Donc, c'est très important de voir la différence entre les deux. Maintenant, on peut raffiner ceci, puis dire que certains individus ont une identité psychique, occulte, négative, qui influe sur leur identité psychologique. On peut prendre des êtres, par exemple, des figures, des personnages antichristiques comme Hitler, qui ont était très très près des sciences occultes en Allemagne, qui était très sensible à l'invisible, qui ne l'affirmait pas en public, mais qui le confirmait en privé, et qui le vivait dans leur privé. Et cette identité psychique, occulte, négative, astrale, influait sur leur identité psychologique et leur donnait le pouvoir. Donc, quand on parle d'identité psychique, faut faire bien attention, parce que ça peut être une identité qui relève de la relation entre l'astral et l'ego, ce qui est le cas dans les cas avancés de Hitler ou le type aux États-Unis, le type qui a tué Sharon Tate. Manson. Manson. Ou vous avez une identité psychique de très haut niveau, ou vous avez un individu, un homme qui est en contact mental, télépathique, conscient avec les plans. Quand on regarde ça, on voit que les réalisations n'ont pas les mêmes objectifs. Est-ce que l'individu qui est en voie de se développer une identité psychique, qu'on qualifiera de positive? Non, il ne faut pas la qualité de positive, non. L'identité psychique. L'identité psychique devrait être créative. Elle est créative. Elle peut être créative négative. OK. Ou elle peut être créative, point final. Il n'y a pas d'identité psychique créative positive. Un homme qui serait, par exemple, en contact avec le plan astral au niveau de son identité psychique aurait seulement deux voies. Il aurait une voie vers la possession qui l'amènerait inévitablement vers la négativité de l'acte. Ou il aurait une voie créative à un niveau plus ou moins élevé, mais créatif. Un médium qui est en contact avec les hauts plans de l'astral et qui aide les hommes, c'est un être qui est créatif. Il n'est pas nécessairement positif, parce que positif implique une attitude égoïque, alors que le médium, lui, dans sa conscience médiumnique, n'a pas d'attitude. D'ailleurs, c'est ce qui lui donne conscience médiumnique. Il n'y a pas d'attitude dedans. S'il y avait de l'attitude dedans, sa médiumnité deviendrait, avec le temps, une médiumnité négative. Donc, on ne peut pas parler de positif dans l'identité psychique parce que positif implique une certaine forme de spiritualité, une certaine forme de bien qui serait astralisable éventuellement et qui deviendrait encore régie par les lois du mensonge. Donc, un médium qui traite avec une entité objectivement qui appartient à la conscience astrale d'une autre personne dont il étudie le corps et dans une possibilité de sensibilité par rapport à l'entité dont il étudie le rapport avec la personne sous étude. Donc, ce n'est plus lui qui est en cause, c'est l'entité de l'autre. Okay. Ce qui lui permet d'avoir accès à l'entité de l'autre, c'est son auto-vibratoire. Et ce auto-vibratoire-là n'est pas tellement personnalisé. Donc, on ne peut pas lui donner la qualité de positivité parce que ça ne fait pas partie d'une vertu, ça fait partie d'un don. OK. Cette identité-là, est-ce qu'elle se développe ou est-ce qu'on l'a? Est-ce que c'est quelque chose, cette identité psychique-là? Est-ce que c'est là, embryonnaire à la naissance, et que ça s'éveille au cours de la vie, ou c'est quelque chose qu'on doit développer? Ça fait partie du plan de vie, ça. Donc, on l'a à la naissance. C'est à la naissance, ça. Ça fait partie du plan de vie. De dire qu'on l'a à la naissance, c'est pas suffisant. Pour qu'une personne en arrive un jour à une identité psychique avec les plans, il faut qu'au cours de son évolution, au cours de ses vies, il ait développé une capacité de supporter cette vibration-là. Donc, il faut qu'il ait traité pendant son expérience ancestrale avec des niveaux quelconques d'astralité, parce que pendant l'évolution, l'homme ne traitait pas avec le mental cosmique. L'homme traitait, dans la mesure la plus élevée, avec les hauts plans de l'astral. Ça faisait partie de l'évolution, ça faisait partie des mystères de l'évolution. Ça faisait partie de la magie de l'évolution, de la conscience tribale de l'évolution. Donc, ces expériences-là accumulées, une personne, par exemple, qui, durant la période atlantéenne, aurait été un sorcier ou un docteur, et ainsi de suite, et qui serait revenu au cours de l'évolution en Égypte ou en Grèce ou aux Indes, et qui aurait rapporté avec lui la mémoire de ces expériences-là, dans un temps comme le nôtre aujourd'hui, où l'homme passe à l'âge du Verseau, où le contact avec le plan mental se fait d'une façon intégrale sur la Terre, serait apte à posséder suffisamment d'expérience astrale nocturne pour pouvoir intégrer dans un corps matériel aujourd'hui au 20e siècle et poursuivre son évolution, mais par rapport à d'autres plans. Donc, ça ne fait pas partie nécessairement, on ne peut pas dire nécessairement que c'est gagné avec ça. Il porte en lui ça depuis longtemps et il ramène ça à sa naissance et au cours de son évolution terrestre, il va venir un jour en contact avec des expériences ou avec des notions ou avec des sciences qui vont allumer cette mémoire endormie-là et lui donner une nouvelle vie, une nouvelle conscience. Bon, est-ce qu'à ce moment-là, la personne qui a une identité psychologique, c'est une personne qui, dans une vie, a simplement à développer comme une sorte de force astrale face à un aspect d'une programmation? Oui. C'est strictement ça. C'est comme s'il passait dans la vie pour développer une facette. Il vit de l'expérience de l'âme. Il vit fortement de l'expérience de l'âme. Et son expérience peut servir à la société ou desservir la société, ce qui fait partie du karma de la société et ce qui fait partie de son karma à lui. Tandis que dans le cas de l'évolution vers une conscience psychique, l'individu sort, se libère du karma de la société et il se libère automatiquement du sien. Parce que pour que l'homme se libère de son karma personnel, il faut qu'il se libère des notions, autrement dit des sciences ou des attitudes mentales, psychologiques, de la connaissance, par rapport à son moi égoïfié à l'intérieur de l'évolution. C'est pour ça d'ailleurs que l'évolution solaire de l'homme, l'initiation solaire de l'homme nouveau, sera très difficile sur le plan personnel, parce qu'il sera obligé d'être seul, de se tenir seul, face à toute la mémoire de l'humanité. Sans nécessairement entrer en guerre psychologique, sans nécessairement devenir anarchiste, l'homme conscient ne devient pas anarchiste, mais ou révolutionnaire, mais en lui-même, transformer constamment la mémoire de l'humanité, c'est-à-dire l'impression qu'a créée la mémoire de l'humanité sur ses sens émotionnels et mentaux. Ça va l'amener à vivre une grande solitude par rapport à lui-même. Et cette solitude va devenir de plus en plus évidente au fur et à mesure où il va réaliser que sa conscience s'élargit pour amener vers lui des notions qui sont autres, qui ne font pas partie de la mémoire de l'humanité et que l'humanité ne peut pas absorber aujourd'hui globalement. Autrement dit, un homme ne pourrait pas aujourd'hui partir d'une science intérieure sur le plan de la psychologie ou sur le plan de la science matérielle et entrer de front dans l'establishment scientifique avec ces notions-là. Ça serait rejeté parce que ce sont des notions qui ne sont pas que l'on ne peut pas soumettre à l'expérience technique empirique de la science. Donc, il sera obligé à ce moment-là de vivre une grande solitude psychologique qui l'amènerait à vivre une grande fortitude psychique. Et c'est ça qui créerait le lien entre le double, l'ajusteur de pensée, la source, l'âme, l'ego, pour créer éventuellement l'axe nécessaire à l'identité universelle de l'homme. Dans ce que vous parlez souvent de transparence de l'ego qui permet finalement à l'individu de se manifester avec une certaine facilité psychiquement parlant. Cette transparence, moi j'ai un background qui est très astrologique, est-ce qu'il est possible à travers une programmation qui est très astrale, en ce sens que l'être, pendant toute sa vie, est comme, veut pas, le jouet des événements à caractère astral ou astrologique dans un sens, et il doit se défaire de du caractère cyclique de ces choses-là. Est-ce qu'il est possible pour un individu d'être transparent à travers cette mécanique qui lui est comme imposée depuis des siècles? Ce n'est pas la mémoire de l'humanité qui est le problème. Ce ne sont pas nos sciences qui sont le problème. Ce sont nos attitudes par rapport aux sciences. Si on prend, par exemple, le hard science, qu'on appelle en anglais, les sciences dures, la physique, les maths, la chimie, pour qu'un homme puisse entrer dans ce domaine-là et devenir efficace, autrement dit, bon étudiant, bon scientifique ou bon mathématicien, il est obligé de se soustraire temporairement de son psychisme. Pour la simple raison que le psychisme est tellement rapide et tellement ouvert à l'infinité que si l'homme traite avec des chiffres ou traite avec des notions scientifiques cartésiennes et en même temps traite avec le psychique, il va être déséquilibré. Ouais. Donc, s'il doit devenir scientifique, ingénieur, technicien, pour plus tard devenir psychique, il va passer par la première phase d'abord. Donc, il va devenir technicien, il va avoir son bac, il va avoir son doctorat, ainsi de suite, sa maîtrise. Mais à un certain moment donné, il va avoir un accident, il va perdre sa femme, sa fille d'un accident. Ça va créer un choc au niveau du corps émotionnel. Et là, sa nouvelle vie va commencer. Là, il va commencer à sortir de l'imposante plénitude qu'aura créée dans son mental la science technique, qui aura fermé son ego à un plus haut plan de conscience. Et là, il vivra effectivement un grand bouleversement dans sa vie qui pourra durer quelques années, et un jour revenir à la technique, revenir à la science, mais cette fois-ci éclairée, c'est-à-dire capable d'apporter à cette science matérielle cartésienne rigide, logique, des notions beaucoup plus fluides. Je vous donne un exemple. On prend par exemple Hawkins en Angleterre qui travaille à Cambridge, le physiciste Hawkins. Le type, c'est un, probablement qu'on dira dans quelques années qu'il était plus grand que Einstein ou équivalent à Einstein. On a fait des articles sur lui un peu partout, même dans le Time magazine. Mais si on regarde si on regarde l'homme, l'individu, en tant que physicalité, il est totalement malade. Il subit une maladie congénitale, de sorte que son cerveau fonctionne à la planche, mais son corps est mort. Donc, pour pouvoir aller chercher des notions d'espace temporel, de monde temporel, de black holes, d'extra-temporanéité, il est obligé de perdre une certaine quantité de son énergie qui nourrirait son corps matériel pour que tout ceci reste au niveau du mental. Mais comme il a déjà un PhD, comme il est déjà reconnu comme étant très compétent dans les sciences de fond, et qu'il est très malade physiquement, on accepte son extrapolation imaginaire dans le monde de la science, qui devient pour lui et pour d'autres scientifiques qui sont près de lui, un exposé probable de ce que l'on pourra découvrir et un jour scientifiser dans un certain avenir. Donc, Hawkins, dans un sens, est un médium instructeur qui vit très près du plan mental, mais pour pouvoir bénéficier de cette proximité avec le plan mental à l'intérieur d'une structure matérielle biologique dense, il faut qu'il perde sa faculté physique. Alors que si Hawkins faisait partie de l'évolution, ce qui n'est pas le cas, il aurait pu garder son corps matériel en très bon état, garder son corps mental dans l'état où il est, et participer à l'évolution de la science ou de la physique moderne, tout habillé, normal. Ceci pour que à partir du moment où l'homme vient en contact ou viendra en contact avec les plans, il vivra probablement certains chocs au niveau de l'énergie. Et dépendant où il se situe dans la hiérarchie du travail, dans la hiérarchie de la connaissance, s'il doit, comme dans le cas de Hawkins, imprimer dans le monde de la science une nouvelle vertu qui permet au mental humain d'extrapoler sur des dimensions qui ne sont pas amenables aujourd'hui à la vérification technique ou scientifique, mathématique, il sera obligé de perdre certaines facultés. C'est pour ça que l'homme nouveau vivra une sorte de déplacement du centre de gravité, de l'importance de sa conscience à travers un de ses corps. Dans ce sens que, s'il a beaucoup de mémoire technique, il perdra un peu de mémoire technique pour laisser place à une nouvelle mémoire créative. S'il doit canaliser beaucoup de cette énergie-là, elle devra, cette énergie-là, être remplacée d'autres choses. Il y aura une substitution. Dépendant de son karma, dépendant du karma de la société, dépendant de son rôle, ainsi de suite. Je comprends bien, à ce moment-là, il y a comme une double programmation. Il y a une programmation pour une identité psychologique, comme vous parlez, là. Et puis il y a aussi une programmation pour une identité psychique. Très juste, oui. Cette programmation dans l'identité psychique, elle est toujours harmonisée à l'autre? Avec le temps. Avec le temps, elle s'harmonise à l'autre et éventuellement, l'homme redevient normal. Dans ce sens qu'il redevient anonyme. Il peut facilement passer en société parce qu'il vient à un point où il contrôle cette énergie-là. Mais lorsque l'énergie pénètre et qu'elle fait vibrer les corps et que l'homme est inconscient et qu'il s'aperçoit qu'il s'éveille en lui une grande conscience, et surtout si la conscience devient télépathique au niveau du mental, c'est évident que l'ego se pose la question au début. L'ego se dit, ben pourquoi moi, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et l'ego, ça lui prend des années pour en arriver à réellement équilibrer ça. Et c'est très important que l'homme en arrive à équilibrer son intérieur avec son extérieur. Et plus l'homme sera conscient, plus l'homme aura du discernement, plus l'homme sera lucide, plus le temps passera, plus l'homme sera capable d'équilibrer l'énergie de sa conscience qui explose, qui devient très volcanique, avec sa conscience normale de tous les jours. Et c'est ce test-là qui est ultimement le test de la réussite de la conscientisation de l'homme sur la Terre. Autrement dit, si je prends ma propre expérience en 69, alors que j'étais à l'université et qu'un jour, lorsque je suis venu chez moi, j'ai vécu cette fusion-là, que j'ai été obligé de sortir de l'université, que j'ai perdu toute ma mémoire psychologique, j'ai perdu toute ma personnalité, c'est au cours des années que j'en suis arrivé à pouvoir rééquilibrer deux mondes. Et l'homme en arrivera à rééquilibrer deux mondes. Effectivement, l'homme ne vivra pas nécessairement le choc d'une façon aussi intense que je l'ai vécu, parce que son rôle n'est pas le même. Mais le principe sera le même. C'est pour ça que c'est très important pour l'homme qui a voulu de prendre conscience du besoin de la transparence égoïque. Autrement dit, quel que soit le niveau de conscience qu'il atteindra, quel que soit le niveau d'intelligence qu'il atteindra, quel que soit le niveau de médiumnité, de conscience télépathique, de voyance ou de faculté qu'il atteindra, il ne faut pas que l'homme se prenne au sérieux. S'il se prend au sérieux, il va astraliser ses facultés et un jour, sa conscience en évolution va s'arrêter. C'est comme si on dirait il sera plafonné à un certain niveau. Et il y aura des êtres, et d'ailleurs je connais des hommes qui sont plafonnés à un certain niveau et qui ne pourront pas aller plus loin parce qu'ils ne peuvent plus rendre leur conscience égoïque transparente. L'homme ne peut pas vibrer cette énergie un jour et la rendre utile à l'homme, dans quel que soit le domaine, sans qu'il soit reçu ou perçu dans une grande simplicité d'âme et d'esprit. Sinon, la force de cette énergie-là créerait des obstacles entre l'homme et lui-même et empêcherait que cette énergie-là devienne fluide et s'expose et fasse avancer les choses. Donc, le phénomène de la transparence est très important et représente effectivement la réussite de la fusion. On pourrait dire que la transparence, dans la mesure où l'ego devient transparent, dans cette même mesure, l'ego devient facilement assimilable par l'étranger, par les étrangers, par les nations, par les peuples. Parce qu'à ce moment-là, l'énergie passe, mais elle respecte toujours les conditions psychologiques de l'ego en évolution. Donc, moi, quand je rencontre des Japonais, ou que je rencontre des Chinois, ou que je rencontre des Français, je puis très, très facilement prendre tout le temps nécessaire pour infiltrer leur conscience sans leur créer de choc pour les amener finalement à voir que beaucoup de choses que je sais, eux savent, mais ils ne peuvent pas pour le moment les exprimer. Parce que quand vous parlez d'une identité psychologique chinoise ou que vous parlez d'une identité psychologique japonaise, c'est du stock. C'est pas même. Amener un Chinois ou un Japonais à reconnaître ton esprit ou amener un arabe musulman à reconnaître ton esprit, c'est beaucoup plus difficile, ou c'est dans ce sens que ça nécessite beaucoup plus de doigté que d'amener un Canadien français à reconnaître ton esprit. Parce que ce sont des peuples qui ont d'immenses et de profondes mémoires, profondes racines, surtout les Orientaux. Par contre, ils ont une très grande sensibilité, et lorsque vous avez passé le cap de la mémoire de la race, et que vous entrez simplement dans le terrain très, très, très, très riche de la conscience individuelle, vous voyez que les hommes sont effectivement très universels. Mais ça prend de la transparence. Si vous arrivez avec votre panache, puis vos grandes facultés, ici, puis tout ça, mais vous êtes fait. Parce que l'homme, et la raison pour laquelle vous êtes fait, c'est parce que l'homme, à partir du temps où la fusion s'établit sur la Terre, il est établi sur les plans que l'homme n'a plus de maître. Donc, il n'y en a plus, il n'existe plus sur la Terre. Je parle cosmiquement. Il n'existe plus sur la Terre d'homme en France, puis dire aux Français ou à des médiums en France, « Bon, ben écoutez, je suis venu de Montréal, blablabla. » Mais je peux aller en France, m'asseoir dans un petit coin, d'une salle, puis avoir des médiums qui vont venir par attraction vers ma personne, et là, me parler et m'expliquer. À ce moment-là, des gens par eux-mêmes viennent en contact de ma réalité à travers leur réalité. Donc, nous sommes universellement connectés. Là, ensuite, on peut travailler ensemble. Donc, l'homme ne pourra pas demain imposer sur l'homme sa réalité. Et l'homme ne peut pas non plus imposer l'absolu, parce que l'absolu, c'est le résultat de la capacité de l'esprit d'aboutir de façon terminale, c'est-à-dire au niveau de l'ego, à la compassion intégrale des vertus de tous les esprits qui existent dans le monde mental. Ça veut dire que l'absolu, c'est la capacité du monde des esprits d'intervenir dans le mouvement psychologique de l'ego pour faire comprendre à l'ego qui est encastré dans une forme matérielle l'infinité de la création. Et donc, expliquer à l'ego ce que ça veut dire Dieu, qu'est-ce que ça voulait dire Dieu, pourquoi est-ce que ça existe Dieu, ça existe-tu Dieu, qu'est-ce que c'est Dieu, il y en a combien de Dieu, y est-tu fini Dieu, y est-tu évolué Dieu, y évolues-tu Dieu, y as-tu fini d'évoluer Dieu, y a quel âge Dieu, y est-ce qui commence Dieu, y est-ce qui s'en va Dieu, quelle est la connexion entre l'homme et Dieu, y en a-tu une? Institut. Donc, mais pour que l'homme puisse travailler avec ça, autrement dit, pour que l'homme puisse rentrer dans la communion des esprits alors qu'il est dans le corps matériel, bien, il ne peut pas se permettre d'avoir de reflet astral, c'est-à-dire, il ne peut pas avoir de carapace égoïque, sinon il deviendrait absolument démoniaque, absolument imposé, absolument dominateur, absolument terrible pour l'homme. Ce ne sera pas un plaisir pour l'homme, ce sera une domination, ce sera un effondrement de la psychologie, de l'identité psychologique de l'autre ego, au lieu d'un événement dans la vie psychologique de l'autre ego, pour l'amener finalement à son identité psychique. Donc, l'absolu et la réalité, ça ne s'impose pas, et c'est pour ça qu'au cours de l'évolution, nous rencontrerons des hommes, des femmes, des êtres dans différents pays qui ont cette sensibilité, et ce sont des êtres que nous pourrons facilement rencontrer, facilement échanger avec et facilement reconnaître qu'ils ont leur propre niveau de conscience, mais un niveau de conscience qui est absolu dans la réceptivité, mais pas nécessairement absolu dans la créativité. Autrement dit, un grand médium, comme là je vais aller en France, en Paris, là, au mois de septembre, je vais rencontrer des médiums, j'ai plein de choses à leur dire à ces gens-là. Pas pour les enseigner, mais pour leur faire réaliser leur lien avec ma personne. Une fois que ces gens-là vont réaliser leur lien avec ma personne à travers leur propre plan, à travers leur propre contact, qui sont universels, ces gens-là pourront facilement élever leur vibration, puis élever leur vibration, puis pour aller plus loin dans leur travail. C'est ça la fonction de l'instruction que je dois faire. Ce n'est pas d'amener ou d'aller en France et d'imposer des notions à ces gens-là. Parce que ces notions-là sont d'ordre vibratoire. Elles ne sont plus d'ordre psychologique. Ces gens-là sont suffisamment intelligents, conscients, canalisants pour voir par eux-mêmes et pour pouvoir établir une relation à ce que je vais leur dire et ce qu'ils savent ou ce qu'ils peuvent aller chercher. Par contre, la différence est au niveau de la créativité. Il y a des choses à cause de la fusion que je peux dire, que je peux aller chercher, que l'homme ne peut pas pour le moment, parce que l'homme, la fusion n'est pas universalisée sur le plan matériel. La fusion aujourd'hui sert au niveau de la fusion instantanée dans la concordance de tous les plans. Elle sert simplement à une chose, à éliminer du monde de la science universelle toutes les données qui font partie de la mémoire de la race. C'est la seule raison pour la fusion. Sinon, ça n'aurait pas été nécessaire que je vive une fusion aussi ardue. J'aurais pu évoluer comme l'homme évolue au cours des générations. Mais la fusion était nécessaire sur le plan d'instantanéité pour éliminer complètement la mémoire, pour que je puisse rentrer dans une autre mémoire et amener des notions à l'homme pour élever sa vibration, pour que lui, avec le temps, puisse aussi rentrer dans cette mémoire-là. Donc, la créativité n'est pas la même, mais la réceptivité est la même. Si vous parlez à un médium qui est un médium instructeur, et vous l'écoutez, vous ne pouvez pas ne pas le trouver intelligent. Bon, vous parlez de transparence tout à l'heure, vous parlez d'intelligence. Est-ce que pour être intelligent, il faut inévitablement passer par une perte majeure dans la vie? Vous avez perdu la mémoire, c'est Paul Gidalkins qui a perdu quasiment sa physicalité. Est-ce que tous les gens qui ont accès à cette transparence, à cette intelligence, doivent absolument perdre quelque chose de fondamental dans leur vie? On perd une certaine mémoire. Il y a beaucoup de notre mémoire qui est inutile. Il y a beaucoup de notre mémoire qui n'est pas utile. C'est cette mémoire-là qu'on... C'est pas qu'on perd la mémoire. Je ne peux pas dire que j'ai perdu de ma mémoire, mais j'ai perdu une partie de la mémoire inutile. Vous avez perdu... Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple simpliste, là. Je me rappelle en 69, quand je suis revenu de la jungle, je rencontrais des amis à Montréal, puis je voulais présenter ma femme à mes amis. Je disais, bon, ben, je te présente ma femme, comment est-ce qu'elle s'appelle, donc? Bon. Alors, là, j'allais par en dedans, puis je disais, vous me crissez à peur. Puis on me répondait, sois patient, sois patient, sois patient. Ça, c'était pourquoi? C'était pour me faire comprendre le processus, pour me faire comprendre que, effectivement, la pensée, surtout dans mon cas, et la parole dans mon cas, était très, très fusionnée avec le plan mental. Mais aujourd'hui, si je vais dans la rue, puis je rencontre quelqu'un, je dis, bon, il faut te présenter ma femme, mais c'est évident que je la perds pas, ma mémoire, elle revient tout de suite. Mm-hmm. Mais si c'était nécessaire, pour une raison quelconque, que je perde la mémoire de ma femme, je la perdrais. Je perdrais la mémoire, puis ça servirait à quelque chose. Donc, dans ce temps-là, ça avait servi à quelque chose. Ça avait certainement créé un choc à ma femme. Mais ça, dans mon cas personnel, ça m'a permis de réaliser que effectivement l'homme est très, très connecté. Puis avec le temps, mais ça se rétablit, ça, puis tu refais ta mémoire. Je m'aperçois quand j'écris, j'ai beaucoup de mémoire, il y a beaucoup de mots qui viennent, beaucoup de vocabulaire qui ressortent, que je pourrais pas utiliser, par exemple, si je vois au Scrabble. Je suis absolument niaiseux si je joue au Scrabble. Si je joue au Scrabble, je suis absolument niaiseux. Pourquoi? Parce que si je serais trop bon au Scrabble, je voudrais toujours jouer au Scrabble. Voilà, tu sais. Fait que c'est vibratoire, c'est comme jouer aux échecs, tu sais, pour jouer aux échecs, je suis allé en France et j'ai joué aux échecs contre le type qui a programmé Minitel. Bon, j'ai flanqué une volée, c'était nécessaire parce que j'avais quelque chose à faire. Puis après ça, ma fille était là, puis elle a joué aux échecs avec quelqu'un qui venait d'Afrique du Nord, puis un type qui jouait pas beaucoup, qui jouait pas très bien. Elle l'a battu, puis après ça, le type il a demandé de jouer avec moi, puis j'ai perdu. Voilà ça? Mm-hmm. Si l'ego est pas transparent, ça te donne une claque. Si l'ego est transparent, tu comprends, le type était content de jouer un échec, puis de me battre quand j'avais battu le gars qui avait programmé Minitel. Fait que ça fait partie des lois de l'esprit, des mouvements de l'esprit. Fait que quand je parle de transparence de l'ego, ce que je veux dire de façon brutale, pas le cul de l'autre, puis le mien va rentrer. Dans le développement de l'identité psychologique, l'être veut réaliser quelque chose de matériel. Il veut écrire un livre, il veut faire une fondation, il va être riche, il va avoir des possessions. Mais vous avez demandé en 69 à ces forces, c'était quoi leur rôle? Ils vous ont dit, c'est pas de vous rendre intelligent, c'est de vous éclairer. Okay. Est-ce que l'individu transparent, l'individu qui a accès à son identité psychique, est-ce que c'est un individu qui n'a pas d'autre fonction dans la vie que d'éclairer? Ou... Il n'y a pas d'autre choix que de devenir intelligent. Tu deviens de plus en plus intelligent au fur et à mesure que ton taux vibratoire change. Ouais. Comme des fois, je suis à la maison, là, puis je dis, quand est-ce que je vais devenir un petit peu plus intelligent? Ils disent, dans 2-3 semaines. Puis dans 2-3 semaines, là, effectivement, mon taux vibratoire change, puis là, je donne une conférence ou un séminaire, là, puis je vais encore plus loin, puis je vais encore plus loin. Mais ça, c'est devenir plus intelligent, autrement dit, rentrer plus dans l'intelligence. Mais il y a un timing pour ça. Tu peux pas, au niveau de l'ego... tu peux pas, au niveau de l'ego, vouloir dire des choses en 91 que tu es supposé dire en 92 ou en 95 ou en 96. Il y a un timing. Donc, devenir intelligent dans le sens de la conscience supramentale, ça fait partie de l'évolution de ta conscience. Ça fait partie, dépendant de ton travail aussi, ça fait partie de tes conditions dans le monde. Il y a des choses dans le monde que je peux dire, il y a des choses dans le monde que je peux pas dire, il y a des choses que je peux pas dire à la télévision. Puis il y a des choses que je peux dire à la télévision. Donc, ça dépend de la fonction, parce que si tu vas trop vite, mais au lieu d'aider, tu retardes. Donc, si l'ego est transparent, il en arrive à accepter ça. Puis d'ailleurs, devenir transparent sur le plan de l'ego, c'est en arriver avec le temps, c'est pas facile, en arriver avec le temps, à pouvoir accepter l'indomptabilité du plan mental. L'indomptabilité. Bon. En voulant dire, la source, l'ajusteur de pensée, le double, le grand, appelez ça comme vous voulez, donner, appelez ça le chien, s'il vous plaît. Le chien, il n'y a rien à faire avec. Ce sont réellement des chiens. Parce qu'ils ont toujours raison. L'intelligence, c'est très intelligent. La lumière, c'est très intelligent. Ces êtres-là n'ont jamais eu d'incarnation, ils n'en auront jamais, ils n'en veulent pas, c'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est d'amener l'homme à une très, très grande union ou communion avec eux. Ces êtres-là sont dans des temps qui ne font pas partie des incarnations des planètes ou des mondes. Donc, c'est très intelligent d'intelligence. Quand vous dites c'est très intelligent, il y a ces êtres-là qui ont plus d'expérience que d'autres. Par exemple, parce que là si on catégorise ces êtres-là, bon, on est obligé pour le moment d'utiliser les contextes des théologies anciennes. Alors, dans ces mondes-là, tu as des chérubins, tu as des séraphins, tu as des anges, tu as des archanges, tu as toutes sortes de mondes, tu as toutes sortes de hiérarchies. Fait que quand tu dis, ton ajusteur de pensée, c'est un chérubin, bon, tu as un certain niveau d'expérience. C'est au bout de la lumière, mais il y a un certain niveau d'expérience. Séraphin, c'est un autre niveau d'expérience. Quand tu es rendu que ton ajusteur de pensée, c'est un archange, j'ai plus grand-chose à le dire, ces gens-là, c'est bien évolué. Donc, leur contact avec l'homme est très, très étudié depuis très longtemps. Ils ont beaucoup d'expérience. Ils connaissent l'âme, ils connaissent l'être. Donc, l'homme s'aperçoit au cours de l'évolution, d'ailleurs c'est ça qui fait partie de son initiation solaire, qui est très difficile, il s'aperçoit qu'ils ont toujours raison, puis ils ont toujours raison, puis ils ont toujours raison, puis ils ont toujours raison. Fait qu'un jour, tu réalises qu'ils ont toujours raison, anyway. Fait que là, t'es rendu bien transparent. T'sais? Fait que l'ego, puis l'orgueil, puis la vanité, puis toutes les vertus cardinales, là. Les vertus du cardinal, on les a pu, on les a perdus. Fait que c'est un petit peu ça. Alors, quand vous parlez d'intelligence, vous ne semblez pas parler d'une intelligence comme nous autres, on ne parle pas d'intellect. Quand je parle d'intelligence, je ne parle pas d'intellect. L'intellect, c'est la qualité astralisée de l'intelligence universelle. Ça fait partie de l'expérience de l'âme, l'intellect. Un bon physiciste va faire des armes nucléaires ou va faire des armes biologiques. Il est très bon, il est au bout, mais il est guidé à partir du plan astral par une âme qui travaille avec lui. Tandis que si tu avais le même physiciste qui travaillait dans le même domaine ou dans un domaine technique quelconque, qui était en contact avec le plan mental, il ne pourra pas faire ça. Il fera d'autres choses. Il fera une science créative utile à l'humanité. Donc, la science sur la Terre aujourd'hui, c'est une science astrale, elle fait partie des forces riemanniennes sur la Terre, du contrôle des forces riemanniennes sur la Terre. Et avec l'évolution dans l'autre temps, la science sera universelle, cosmique, elle viendra du plan mental, puis elle sera totalement autre. La science nouvelle sera totalement autre, totalement différente de ce qu'elle existe aujourd'hui. Mais quand vous vous dites... Donc, il y a une différence entre l'intellect et la conscience mentale créative. L'intellect, c'est... c'est relié étroitement à la mémoire, alors que la science créative du mental n'est aucunement reliée à la mémoire. Elle crée une nouvelle mémoire. Quand on parle de la conscience supramentale de l'homme sur la Terre, on parle d'une conscience créative qui établit, qui descend une nouvelle mémoire, qui n'est plus la mémoire des hommes, qui n'est plus la mémoire astrale de l'humanité, reliée à l'expérience de l'humanité, mais qui fait partie de la mémoire cosmique universelle. Bon, quand vous dites que vous voulez être plus intelligent, de notre point de vue, nous autres, on dit c'est assez. Mais de votre point de vue à vous, vous exigez quelque chose de différent de ce qu'on peut regarder. Parce que pour nous qui vous regardez ou qui vous écoutez parler, ce qui est là comme matériel ou ce qui est avancé comme matériel, c'est assez. C'est dans le sens qu'il y a une suffisance. Mais la façon dont vous parlez, vous semblez aller chercher quelque chose d'autre dans le terme d'être plus intelligent. C'est quoi cet élément-là? Parce que c'est plus on ne parle plus d'habileté, là. Bon, c'est parce que quand je parle tellement en public, il vient un temps que j'atteins un certain plateau vibratoire. OK. Bon, c'est pas les connaissances qui m'intéressent. C'est pas que je parle de ci ou de ça qui m'intéresse. Parce que la connaissance ou la science, ça vient de la vibration. C'est la vibration que j'ai besoin. Quand j'ai la vibration, à ce moment-là, là, je peux rentrer dans la science. Si j'ai pas la vibration, je peux pas rentrer dans la science. C'est le taux vibratoire de la vibration qui détermine la limite de ce que je peux dire. OK. Fait qu'il vient un temps là, que je suis tanné de parler à un certain niveau. Bon, à ce moment-là, ben, je vais aller en dedans, je vais dire, ben, quand est-ce que je vais devenir intelligent? Ben, ils vont dire, dans 2 mois, dans 3 semaines, dans 2 semaines. Fait que dans 2 semaines, mon taux vibratoire change. Fait que quand je vais en conférence ou en séminaire ou quoi que ce soit, ou si j'écris, bon, ben, je vais aller plus loin dans l'affaire. Je vais parler plus profondeur. Si vous me demandez à soi de parler des alertes, ben, je vais en parler à un certain niveau. À un certain niveau, là, à un certain point, je ne peux pas aller plus loin. Mais si vous me demandez de parler des élèves dans 3 mois, ben je vais aller encore plus loin parce que mon taux vibratoire va avoir changé. Puis c'est à travers le taux vibratoire qui contrôle ce que je dis dans le monde, ce que je peux dire dans le monde, ou ce que je peux pas dire dans le monde. Votre double, il vous envoie un changement vibratoire à partir de quelle base? C'est-à-dire, qu'est-ce qui détermine qui peut vous envoyer un autre, qui peut vous donner un autre taux vibratoire? Je vois bien un changement vibratoire à travers une certaine souffrance. Donc, il faut absolument souffrir ou perdre quelque chose. Faut que je vive une souffrance. Je peux me cogner la tête dans la porte. Là, je viens en crise. Parce que c'est pas normal de me cogner la tête dans la porte. Tu sais que là, je me cognais les dents tout à l'heure. Mais si je m'étais cogné les dents dans un autre temps, j'aurais été bien, bien fâché. Ouais. Là, c'est parce que j'étais en public. Fait que la vibration n'a pas sorti. Mais si j'avais été à la maison faire ça, j'aurais mangé le micro. Fait que ça change mon taux vibratoire. Parce qu'il faut qu'il y ait un échange. Je suis willing de souffrir jusqu'à un certain point, mais il faut qu'il me donne. Sans ça, je deviendrai esclave des autres. Okay. Puis comme je connais bien, bien toute la game occulte du mental, ainsi de suite, je vis plus ma relation avec eux autres n'est plus une verticalité. Là. C'est plus eux autres puis moi. C'est eux autres puis moi. Puis ils savent ça. Fait qu'autrement dit, par exemple, là, je m'en vais en France, puis je veux pas aller en France. Je suis pas intéressant à aller en France. Je suis bien au Québec, j'aime ça au Québec. Faut que je prenne des avions pour rencontrer du monde. Je suis pas intéressant à aller en France. Par contre, c'est bien intéressant que j'aille en France. Parce que je peux vibrer bien gros en France. Puis je peux arriver avec des choses en France que j'ai jamais dit au Québec. Et c'est ça. Bon. Fait que c'est vibratoire. Fait que je vibre. C'est comme quand tu manges quelque chose de bon. OK? Mm-hmm. Mais pour aller en France, je leur ai dit, pour aller en France, faut que eux autres m'ouvrent la porte. Fait qu'au Québec, c'est moi qui ai ouvert la porte. En 78, j'ai souffert, j'ai ouvert la porte. Je n'étais pas connu au Québec en 78. J'étais un drôle de moineau. Fait que je ne suis pas intéressé à aller en Europe puis recommencer ce que j'ai fait au Québec. Je l'ai fait une fois au Québec, puis un homme comme moi, ça ne recommence pas 2 fois. Fait que s'ils veulent que j'aille en France, il faut qu'ils m'ouvrent la porte. Fait que là, ils m'ont ouvert la porte. Ils ont envoyé ma femme en France. Ma femme est allée en France. Elle a rencontré des médiums en France. Les médiums en France ont vu. Ils ont vu mon livre, ils ont vu moi, ils ont vu tout. Fait qu'automatiquement, mais c'est facile d'aller en France, là, pour moi. Fait que ça, c'est une condition pour que j'aille en France. Pourquoi? Parce qu'il y a un équilibre entre moi et les autres. Tandis qu'avant, en 78 ou en 69, s'il avait voulu que j'aille en France, je serais allé en France anyway. Il m'aurait mis dans l'avion pour aller en France. Mm-hmm. Il aurait fusionné mon corps, je ferais marcher à l'aveuglette, je ferais arriver à Dorval, C'est comme ça que ça marchait dans ce temps-là. Fait que j'avais pas la force. Je connaissais pas la game. Je pouvais pas m'obstiner avec les autres. C'était trop fort. Mais aujourd'hui, qui mange la merde? Je vais aller en France si je veux. Puis si je veux pas, j'irai pas. Fait que s'ils veulent que j'y aille, faut qu'ils m'ouvrent les portes. Puis quand je dis ouvre les portes, ça veut dire qu'en France, quand je vais arriver, faut que le monde me voie. Je veux pas arriver là pour commencer à donner des petits séminaires comme j'ai fait tout de suite, puis travailler pendant des années à élever le taux vibratoire d'un certain nombre de personnes. Mm-hmm. Fait que faut que les gens soient prêts. Fait que là, ça a l'air qu'ils sont en train de faire ça. Fait qu'il y a des possibilités que j'allais en France, puis je vais décider ça à la dernière minute. Puis il faut pas qu'ils m'écartent trop, parce que s'ils m'écartent trop, j'irai pas en France. Fait que c'est moi qui rentre. Fait que c'est ça l'intégration d'énergie. Bon, parce qu'il faut pas que je me pète les dents sur le microphone trop souvent. Bon, est-ce qu'on peut dire que là, à ce moment-là, pour vous, c'est ça être intelligent? C'est ça. C'est là, là que tu deviens réellement là, intelligent dans l'intelligent. Intelligent dans l'intelligent. Ça, c'est être... C'est comme le jaune d'œuf puis l'œuf. Oui, oui. OK? Bon, ben, eux autres, là, il faut que tu deviennes le jaune d'œuf dans l'œuf, dans le blanc. Faut que tu te promènes dans le blanc, puis tu ne perds pas ton identité dans le blanc. Bon, moi, je suis rendu le jaune d'œuf dans le blanc. Avant, j'étais le blanc dans le jaune d'œuf. comprends? Ça a pris 14 ans. Ma soeur, je suis le jaune d'œuf dans le blanc pis ça. OK. Mais, fait qu'en voulant dire, comme les Américains disent, don't fuck with me. OK. Ça, les 9, c'est dans les 10, jusqu'à ce sont les 18. On peut-tu dire qu'à ce moment-là, vous étiez intelligent? J'apprenais le processus. J'apprenais la game au cours des années. Tu sais, c'est comme en 80. C'est comme 4 ans, ça, après ma fusion, en 69, 73, j'étais à Vancouver. Puis tu sais, quand tu vis une fusion, t'es bien proche des autres, parce qu'ils te parlent, puis tu deviens bien, bien uni à eux autres. C'est ton chat. Puis, tu sais, quand il y a quelqu'un qui te parle pendant 24 heures par, par jour. 24 heures par jour pendant 40 ans, tu deviens bien proche. Puis, un jour, beau niaiseux, là, je suis sur la rue, là, puis d'un coup, la communication, elle arrête. 2 minutes, hein? 2 minutes. Je me sentais tellement seul, j'en avais les larmes aux yeux. Je pleurais. Je m'ennuyais de mon chat. Là, ils ont revenu sur le circuit, puis ils m'ont reparlé, puis ils m'ont dit, tu n'as encore pour 3 ans à comprendre. Là, ils m'ont bombardé encore pendant 3 ans de temps. Laisse-moi te dire qu'après 7 ans, quand ils ont coupé le circuit, puis ils ne me parlaient plus, pendant 1 semaine, 2 semaines, j'étais-tu content? Aujourd'hui, je suis capable de stander ça. Aujourd'hui, là, qu'ils ne me parlent pas, puis il ne faut pas qu'ils m'achalent trop, puis qu'ils me parlent quand je veux leur parler, et ainsi de suite. Fait que si c'est une autre relation, puis ça, c'est très occulte. Puis quand l'homme est rendu, là, sur la terre, dans son corps physique, à pouvoir dicter les conditions de sa relation occulte avec le plan mental, laisse-moi dire qu'il est tikidou. Banstan, votre fusion, parce que là, j'ai des questions à... J'ai des questions d'avenir, là, que je garde. Dans le temps de votre fusion, aviez-vous de l'identité psychique? J'avais de l'identité psychique, oui. OK. Une fusion, c'est l'identité psychique instantanée, puis c'est de la fragmentation de l'identité psychologique instantanée. Tu perds ta personnalité instantanément. Okay. Tu rentres dans ta personne instantanément. Par contre, tes corps ne sont pas équilibrés. OK. Durant des années. Vous aviez de l'identité psychique, mais vous n'étiez pas encore assez intelligent. Vous aviez encore le blanc dans le jaune. Pour un individu dans la rue, là, arrivait son identité psychique, ça a l'air d'être du travail, ça a l'air d'être bien de la souffrance, en tout cas. Les hommes ont toutes leurs souffrances. Tu sais, je dis toujours, un petit verre d'eau, c'est aussi plein qu'un grand verre d'eau. OK? On continue sur l'eau. Donc, c'est au de l'eau. Quand un petit verre d'eau qui est plein, c'est aussi plein qu'un grand verre d'eau. Elle, si elle souffre, elle en a juste... C'est aussi intense pour elle que ça peut l'être pour moi. Mm-hmm. C'est le volume qui change. Mais c'est la même chose. Elle arrive à son top, elle arrive à son top. Vous le savez, vous les avez, vos souffrances dans la vie. Quand vous êtes à votre top, c'est votre top. Fait qu'il n'y a personne qui peut dire, bon ben moi j'ai un plus gros top que toi. C'est rien ton affaire. Pour toi, c'est beaucoup. Mm-hmm. Puis pour l'autre, c'est beaucoup. Fait que chaque homme a sa mesure. Chaque être humain a sa mesure de souffrance. L'initié qui vit une fusion instantanée a sa grande mesure de souffrance. C'est ce qui fait de lui un initié, ainsi de suite. Par contre, l'homme, le commun des mortels, qui vit une conscientisation, qui vit de plus en plus un rapprochement avec sa source, vit une souffrance qui est à la mesure de ce qu'il peut prendre. Bon, la personne... Même, d'ailleurs, je l'ai toujours dit, l'homme, le commun des mortels a plus de mérite dans l'évolution de sa conscience que l'initié. Parce que l'initié en fusion, il ne peut pas se décourager. Il ne peut pas. Mm-hmm. Parce que premièrement, sa pensée est totalement sous le contrôle de l'ajusteur. Il n'y a plus d'astral là, quand tu es en fusion. Donc, tu vas souffrir, tu vas passer par le petit trou, tu vas faire des choses que le monde va dire, c'est-tu incroyable? Mais tu n'as pas de mérite parce que tu es amené par fusion à seulement vivre une chose, la transmutation subtile de tes corps. Tandis que l'homme dans la rue, le commun des mortels, qui est arrivé à un niveau d'évolution qui lui permet de prendre conscience de son être intérieur. Lui, il a beaucoup de mérite parce que il a une possibilité de défaillance. Tandis que l'initié en fusion, il n'y en a pas de possibilité de défaillance. Il a seulement la grande possibilité de très grande souffrance. Il vit le martyr mental. Mm-hmm. Tandis que l'homme de la rue, il y a une possibilité de défaillance, il y a une possibilité de découragement. L'homme de la rue qui est encore dans un processus d'identité psychologique, qui est confronté à l'homme, à d'autres hommes de la rue, qui est confronté au travail, qui est confronté, qui n'a pas le contact mental télépathique pour y expliquer tout ce qui se passe, Pour lui, c'est très, très difficile. Tandis que pour l'initié, lui, qui se fasse n'importe quoi, qui sort d'université, qui s'en aille dans le jeûne, qui vise des expériences de la mort, qui a ses plans, qui rencontre des intelligences, puis qui soit testé constamment dans son plexus solaire, il est toujours assuré de ne pas être violé dans son intégralité, parce qu'il est protégé par la fusion. Donc, tout ce qu'ils veulent, c'est du tuning. C'est comme un cristal, un initié. Un initié, c'est un cristal, puis ils font vibrer le cristal, puis ils font vibrer le cristal, puis ils font vibrer le cristal, jusqu'à temps que le cristal n'ait plus de faille et qu'il résonne à la plus haute vibration. Donc, à ce moment-là, la communication télépsychique se fait, et elle s'établit, puis l'initié devient totalement uni à eux, à ces forces de lumière-là. Donc, il n'y a pas de mérite, effectivement, d'une grande évolution au niveau des temps, mais il n'y a pas de mérite psychologique. Il y a simplement un grand mérite psychique. Tandis que l'homme, le commun des mortels a un grand mérite, c'est pour ça que les hommes en évolution, les êtres qui sont en rapport avec des hommes en évolution, doivent réellement prendre conscience de l'unicité de leur souffrance. Quand quelqu'un souffre dans sa conscience, quand quelqu'un souffre dans ses corps subtils, c'est très important que son ami ou des gens autour de lui prennent conscience de cette souffrance-là et essayent de les encourager, de les conseiller d'une façon intelligente pour qu'ils puissent aller plus loin et dépasser ultimement ces souffrances-là pour en réaliser l'illusion ultimement psychologique. On a tous un rôle à jouer, un par rapport à l'autre. Moi, je ne peux pas, dans ma vie, rencontrer tout le monde dans une relation personnelle. Je ne peux pas. Mais si je pouvais faire ça, je pourrais facilement aider les gens à voir être l'air, puis voir être l'air, puis voir être l'air. Donc, je suis obligé de le faire à travers mes écrits ou mes conférences, et ainsi de suite. Mais dans la vie de chacun de nous autres, il y a beaucoup de personnes autour de nous autres qui sont capables de nous aider à voir être l'air, parce que, objectivement, ils vivent pas la même vibration. On voit toujours plus facilement le problème de l'autre que l'autre ne voit pas. Et c'est là qu'il faut être suffisamment généreux pour amener notre discours vers ces gens-là et les aider dans leur souffrance, dans la mesure où ces gens-là sont suffisamment intelligents pour pouvoir démontrer dans un certain temps qu'ils évoluent. Sinon, ben, là, on devient vampirisé. Tu peux pas piétiner indéfiniment dans la même situation avec une personne qui n'est pas capable de se redresser les manches et avancer. Sans ça, cette personne-là va te vampiriser, et un jour, c'est toi qui vas perdre de l'énergie. Mais il y a des gens qui sont effectivement capables d'une certaine volonté, qui sont capables de voir et d'aller plus loin dans leurs illusions, et s'il y en a qui sont capables de leur faire voir ça, et voir qu'il y a des résultats, là c'est intéressant de voir les gens avancer. Mais si les gens n'avancent pas, les gens s'entêtent dans leur égocentrisme, dans leurs illusions personnelles, dans leur astralité, à ce moment-là, il faut absolument couper avec eux autres et ne jamais les revoir. Parce que on retarde notre propre évolution et on ne peut pas les aider, anyway. Dernière question. Est-ce que l'individu dans sa vie du 20e siècle pourra goûter de l'identité psychique? Oui. Il y en a déjà qui goûtent. Ouais. Je connais beaucoup d'individus qui goûtent de leur identité psychique. Et la seule chose qui devient pour eux nécessaire, c'est l'avancement de leur conscience sur le plan mental. Et ça se fait au fur et à mesure qu'ils passent à travers l'astral de leur conscience. Et un jour, ces hommes-là vont être suffisamment avancés sur le plan mental pour que se déclenche finalement le grand phénomène attendu sur la Terre de la communication télépathique à travers la conscience éthérique des hommes. Et l'homme sera en contact télépathique, autrement dit, l'homme pourra parler à l'homme dans sa tête et l'homme pourra le recevoir. Et tu n'auras même plus besoin d'utiliser le téléphone pour parler à ces certaines personnes-là, parce que justement leur cristal sera suffisamment développé pour qu'ils puissent recevoir d'une façon directe, très claire, la voix qui vient d'ailleurs. Merci beaucoup, Bernard Lavoyant.